Bonjour et bienvenue dans la séquence 4 du cours sur l'économie du web. Après avoir replacé notre objet dans l'histoire longue des médias et dans les paradoxes de son origine, il est temps maintenant de nous pencher sur des questions plus directement économiques en nous interrogeant sur l'évolution des marchés dans la culture et dans la communication. Nous verrons dans cette séquence que la répartition des dépenses des ménages en communication et en culture a fortement évolué ces dernières années. Cette évolution reflète les changements dans les pratiques culturelles. Le web lui-même, et plus généralement l'Internet, s'est déjà largement transformé au cours de sa courte histoire, et les variations de son marché se mesurent à l'échelle internationale. Voilà donc quelques sujets que nous débattrons au cours de cette séance. Vous trouverez des cahiers dédiés à cette fin, mais vous pouvez aussi, pour ceux qui n'ont pas accès aux cahiers, ou qui préfèrent cette formule, annoter directement les documents sous Crocodoc. J'ai mis sur le cahier des citations, sur les piliers, le corrigé du quiz. Les notes vous seront bientôt communiquées individuellement. Et j'ai aussi ajouté mes réflexions sur la conférence de Tim Berners-Lee. Les groupes sur les questions d'actualité sont maintenant constitués, et je vais répondre à vos reformulations cette semaine. Donc merci à ceux qui n'ont pas encore reformulé leur sujet de le faire rapidement. La remise du billet et la première version de la synthèse de la première partie est dans 15 jours. Ne vous y prenez pas à la dernière minute, dans les deux cas, il s'agit d'un gros travail. Donc bonne lecture, bonne réflexion, bonne écriture et au plaisir de débattre encore avec vous cette semaine.